soleil couché dans les ruelles de Paname. Plusieurs styles de personnes ont leur main de vie, leur instinct de savoir survivre en bien ou en mal la nuit. Y'a des cassos paranoïaques enchaînés jusqu'à la gorge, préparés à te braquer pour un billet. Alors quand tu te promènes dans les ruelles, sans méfie-toi des gens autour de toi, t'auras toujours du pile à te faire la nuit. Pour la richesse, à des macos cachés dans l'obscurité qui tiennent en laisse. Des humains comme à la Danise Dog, dis-moi où est la noblesse de l'homme. Comme des hommes traînant dans la nuit, dérivent dans la prostitution, se vendant corps et âme aux deux mois. Vite de perversion, un monde de dingue, où trop de gens sont appâtés par le flingue, le vice et le péché. La nuit, y'en a qui vagabondent comme Moby, Ender et Mamsi, à la recherche du roro, à la recherche d'un mouvement, à la recherche d'un boulot, s'embrouiller pour nourrir la famille, pour ne pas être déshonoré. 11h, la soirée vient de commencer. C'est comment bas ça traîne, pourquoi tu croyais qu'on dansait, qu'on était ambiancé. Mais non mon gars, on est là, à geler les doigts, tu vois d'ici mignon, on est survie pas. Pour faire quoi je m'en bats, y'a rien à faire chez moi. Ni genre, ni chatte, ni reçoit, donc chacun chez soi. Moi dehors, vers 1h de mat, les buts de balle des meurs chauds. Des jokes qui marchent chauds, spliff tous du meurs chaud. L'heure tourne, déjà 2h, l'endroit est désert. Plus rien à foutre ici alors je déserte. De Red Beef en réserve, je vais ailleurs. Croise d'autres veilleurs, ça va du voyou qui se dévoyeur. Du Clodo vénère à la putain tailleur. Autant passe milieu mon frère si tu peux squatter ailleurs. Car quand les oiseaux s'arrêtent de chanter, on prend la relève. Nos lyrics révèlent qu'on lutte pour garder la santé. À l'état d'épave autour d'une table, allez boire, allez roue d'espoir. Plus d'espoir s'en bat les coups des stars. Bref, termine en grattant une fois sur un poilier. Sur les genoux caillés, dort dans la cage d'escalier. Steve Bruce a écrit la haine, elle est dans le sang d'Alzen. Elle est MS pour la mansaine. Faut qu'il te renseigne, elle rappelle le trinté. C'est nous qui tenons les rênes. Si on gêne, y'a qu'à le dire, nous on te saigne sans gêne. J'ai germé parmi les mauvaises graines. Le genre de mec qui traîne l'énergumène vient te devoir à plus d'une trentaine. C'est dans mon univers, ma cabelle et que je t'entraîne. Si tu traites avec les poids, tu connais la rengaine. Noyade dans la marne ou la sienne, t'imagines même pas cette scène. Valboline écho, rien tu sais. Nous aussi, coffré par les pédales, insigne les indignes qu'on rêve de ken. Comme il est écrit dans ce bas monde, c'est eux qui règnent. Qui se mettent dans le profond s'ils veulent qu'on les craigne. Déjà trop souvent, je pense à mes ancêtres en chaîne. De l'autre écho du miroir, je suis plus extrême que FN. Dictateur au mic et notre enseigne, la discussion verbale et notre gangrène. À part les trous de balle, à qui veux-tu qu'on s'en prête, je m'imprègne. Inch'Allah, bientôt dans les bacs, les OMC vont prendre une benne. Si tu fais le mac, fais-le jusqu'au bout, joue pas la chicken. J'écris donc mon envie, mon ambition. Plus moyen de vivre bien dans ce putain de béton. Toujours les mêmes thèmes, les mêmes blèmes. La délinquance, insolence, vivre avec violence. Subir des conséquences de l'enfance. Maltraité, incité jusqu'à tuer. En vouloir à quelqu'un, peut-être au tien. Tous clament comme des chiens, enragés par la rage de vaincre. Je représente mon emblème, sans problème. Député pour tous ces problèmes. Je dévoile ma vie sur ce bitume, mon balconiné. Même si ma vie s'arrête seule, je revendique mon unique univers. Dans cette galère, j'essaie de rester clair. Clair sur mes moyens d'expression. Ma seule vie, ma seule ambition. Mon entourage me met la rage. Plus temps de rester sage. Mon cœur rempli de sagesse. Ma voix remplie de tristesse. Mon instinct sur un bout de papier. Mon destin continue son chemin. Ça fait un bout de temps que le soleil dort, la lune nous observe. Sur un fond de son lourd, ça bouge la tête du 7-7 au Haut-Seine. La nuit, je suis en activité dès 8h. Faut que je trouve un bec de taf, si on a marre, voir mon compte débiteur. Car quand la lune apparaît, à Paris, c'est pas pareil. Donc pas de paresse, sois paré. Ça vole toutes sortes d'appareils, toujours les mêmes délires. Du coup, je suis chez moi à écrire. Pire, mon inspiration transpire et m'a fait maigrir. Dehors, la lune éclaire la ville. Les gyrophares sont bruyants, cherche pas de bruyant pour un brillant. Ou tu transcendes comme Cendrillon. C'est suspect, c'est sûr. Quand tu ressens l'adrénaline, dehors mes potes sortent les canines. Et tape les meufs pas très malines. La nuit y'a ceux qui taffent, ceux qui tapent, ceux qui taquent, ceux qui savent, ceux qui bavent, ceux qui avancent en silence mais qui se gavent. La nuit j'suis dans mon élément quand je mate les alentours. Mais avant tout, reste attentif, on s'attend tous à des coups de crasse en douce. 7-5 mon domicile, viens check le son ici, c'est l'homicide. Sur beat, vide, bête de gros missiles. Quand vient la nuit j'suis dans mon monde, j'adore m'y balader. Le son dans le baladeur, bœuf dans la poche tant que tu sens l'odeur. Mon flow est là même tard, je m'en sépare et j'en fais part à mes potes car ils aiment quand c'est d'art. La nuit j'écris ce que je vois, c'est difficile à dire. Y'a des cris, y'a des crimes, hein. Possible à décrire. La nuit c'est un monde à part. Et si chacun veut sa part, donc ça parle. T'étonne pas qu'on cambriole ton appart. La nuit enseigne et ce qu'on sait, c'est que la leçon saigne. Le jour se lève, je vais me coucher. Il paraît que la nuit porte conseil. Il paraît que la nuit porte conseil. Il paraît que la nuit porte conseil.